oublier ces heures paumées à essayer d'en gagner. Car souvent finir au nez, cogner, menottes au poignet. Pas besoin que je répète, c'est l'époque des calipotes. Où avant d'apprendre à marcher, fallait faire des calipettes. J'ai oublié tous mes billets qui ont fait de mal se plier. Toute ma banlieue qui pour elle s'est armée, oubliant le bouclier. Je veux oublier le temps perdu, la poudre dans le sablier. Aussi massive que les larmes et le sang sur le tablier. Les commas ne s'arrêtent plus et on reste là à attendre comme à l'arrêt. Plus ça me perturbe, ma jeunesse m'a laissé un goût d'amertume. À faire du soutien mural, te rappelles-tu qui a vécu? Alors j'en place une pour tout ce putain de temps qu'on a perdu. Pour ma scolarité, nique les modalités. Tout ce que j'aurais retenu, c'est qu'on peut casser du sucre sur d'autres l'amitié. Trop tard cité, Jacques lui ça ne va pas s'oublier. Faut aviser, il s'est déjà écoulé un quart dans le sablier. À tous ces bâtards qui parlent pour qui, qui m'ont fait perdre mon temps pour Mito et toutes ces embrouilles de pacotis. Oubliez qu'il passe trop vite, alors on s'accroche vite. Catastrophique, moins d'acolytes, plus en plus la laine alcoolique. T'aimerais pouvoir le remonter, toutes ces choses à remettre en place, tout ce qui fait que je rime autant. T'aimerais bien pouvoir l'arrêter, y'a trop de passages que t'as regretté. À galérer pour tu normal que la tête ait besoin de ça. Et je veux oublier le temps passé de temps en temps, accompagné de l'alcool qui m'a tant atteint. À ces moments j'étais suppôt de Satan, je m'en rendais compte et pourtant j'ai été consentant. Oubliez que j'en ai la migraine, je veux semer ma graine. J'ai passé le temps perdu au monde.